mon ciel était bleu. Bleu comme tes yeux. Pas un nuage gris. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a pris? Mais quel beau gâchis. Depuis que t'es plus là, morale n'y est pas. Je fais n'importe quoi. Je suis perdu, perdu sans toi. Mes ambitions sont plus qu'illusions. Mais depuis ce jour, pas d'issue de secours. Verser tant de larmes sur ce mélodrame. Depuis que t'es plus là, morale n'y est pas. J'fais n'importe quoi. Je suis perdu, perdu sans toi. De désir, je dois me faire à l'idée que la page est tournée. S'il en est ainsi, restons bons amis. Depuis que t'es plus là, je fais n'importe quoi. Je suis perdu, perdu sans toi. Je fais n'importe quoi.